passe à la période de questions. Dans l'évolution, à quel moment et en quelles circonstances est-ce possible de voir les plans invisibles? Alors, on va juste ajuster un peu. À quel moment, dans quelles circonstances, est-il possible de voir les plans qu'on ne voit pas? De percevoir. Ça serait plus juste, parce qu'évidemment, invisible veut dire qu'il ne se voit pas. Donc, on ne pourra jamais voir les plans qui ne se voient pas. Dans l'évolution, bon, à quel moment? Il y a des... Premièrement, ce n'est pas une question d'évolution pour voir si c'est les... On peut appeler ça des plans parallèles ou ces choses-là. Ce n'est pas une question d'évolution. Il y a des gens qui peuvent les voir, alors que... Pourquoi? Parce que mécaniquement, leur cerveau est capable de voir. L'œil est une extension du cerveau. Quand le fœtus commence à croître, à un moment donné, il y a une partie qui crée le cerveau, qui s'étend lentement, ça va créer le nerf optique et ça va créer les yeux. Le cerveau aussi peut voir. C'est d'ailleurs lui qui devra voir dans le nerf optique ce que l'œil voit à l'extérieur. C'est lui qui devra entendre dans les nerfs auditifs ce que l'oreille entend de l'extérieur. C'est lui qui devra sentir dans les nerfs sensitifs ce que le corps sent à l'extérieur. Mais ça, c'est parce qu'on a un corps physique assez dense. Il vient un moment donné dans l'évolution où notre cerveau est capable de voir au-delà de cette mécanique-là, et on appelle cela percevoir. Alors, on aura des clairvoyants, on aura des clairaudients, on aura des clairsensitifs, on aura, etc. Des clairs olfactifs, peut-être, qui peuvent sentir à travers les murs. Bon. Et on a ce qu'on appelle une expansion progressive des sens vitaliques, c'est-à-dire que le corps physique est animé d'un corps vital qui est la vie. C'est ce qui différencie une personne morte d'une personne qui dort, c'est qu'il y en a une des deux qui est vivante. Et le corps vital, on a la capacité de l'expandre, donc de le projeter. Et notre cerveau est capable de décoder ce qui se perçoit dans ce corps vital-là. Au niveau du corps astral, on peut faire la même chose. Donc là, on commence aussi à percevoir des plans qui sont invisibles à l'œil humain, mais qui sont perceptibles, donc visibles au cerveau. Et au niveau du plan mental, ce sera la même chose. Au niveau des plans supramentaux, ce sera la même chose. À un moment donné, le monde morontiel aura une réelle texture, ou le double éthérique aura une réelle texture, lorsque l'humain aura une bilocation de conscience, une conscience supramentale, ainsi qu'une conscience physique, l'homme, la femme ou l'enfant sera capable de voir ces choses-là. Par contre, ce qui peut arriver à un moment donné, c'est qu'il y a certaines parties du cerveau chez certains individus qui sont déjà en résonance vibratoire pour être capable de capter des choses, donc de voir des plans que l'humain ne voit pas. Mais ce n'est pas une question d'évolution, d'évoluer, c'est une question d'évolution physique, mais l'être humain à l'intérieur peut avoir le même ego, peut être une personne aussi insécure, ce n'est pas une question d'évolution. Alors, ce que je dis souvent, c'est que cette mécanique-là fait partie des symptômes secondaires de l'évolution, ce n'est pas ça qu'on doit chercher. Ce n'est pas dire que la personne sait qu'elle recherche, mais ça fait partie des symptômes secondaires. Si, rendu à un certain moment donné, donc on pourrait dire, à quel niveau d'évolution avons-nous ces symptômes secondaires, même sans les avoir cherchés? La problématique au niveau de l'ego, c'est qu'on aura ces symptômes secondaires-là uniquement si c'est utile qu'on les ait. Alors, encore une fois, une personne très évoluée ne sera peut-être pas télépathe. Une personne très évoluée ne sera peut-être pas clairvoyante. Alors qu'une autre très évoluée pourra peut-être être clairvoyante. D'où l'intérêt aussi, à un moment donné, que les gens qui se conscientisent s'unissent un peu pour travailler ensemble, où on aura une personne qui a des affinités dans tel domaine, puis on exploitera ces affinités-là. Alors qu'elle pourra en échange d'énergie, se servir des affinités d'un autre. Ça ne fait pas une collectivité, ça fait des groupes d'individus. Maintenant, rendu à un niveau où la conscience supramentale, est donc le phénomène espritique, la conscience christique, c'est la même chose, est suffisamment implantée dans la conscience planétaire de l'humain, effectivement, il y aura des visions de ce qu'on appelle de plans invisibles, de plans parallèles. Mais encore une fois, ça va être comment? Ça va être comme moi, par exemple, je ne vois pas mon corps astral. Si quelqu'un me dit « Comment est mon corps astral? », automatiquement, je le vois. Mais si moi, je veux voir le corps astral de quelqu'un, je ne le vois pas. Si quelqu'un me dit, me pose n'importe quelle question sur des plans particuliers, à l'instant où on me pose une question, je peux voir. Si sa question est s'il n'y a pas d'intelligence, est-ce que je le vois? Il n'y a rien qui se passe. Ça ne m'intéresse pas. Je ne le vois pas. Ce n'est pas parce que ça ne t'intéresse pas. Ben, ça ne m'intéresse pas. Tu n'y as pas accès. Ben, parce que ça ne m'intéresse pas non plus. J'ai même pas accès à ce que ça m'intéresse. Alors, à un moment donné, je dirais à la personne, ta question est mal posée. Pose ta question de façon un peu intelligente. Autrement dit, intéresse-moi à aller voir. Et c'est une question de mécanique. Je n'ai pas plus de libre-arbitre qu'un autre. Alors, quand la question, j'ai, par contre, dans ma réaction, dans ma manipulation, je veux dire à la personne, ta question est mal posée. La personne pourrait même... La personne a dit, bon, ben, je ne sais pas comment la poser. Ben, quand tu sauras, tu me le diras. Une personne d'autre pourrait dire, ben, comment faudrait-je la pose? Ah, automatiquement, je vais dire. Ça fait comme con. Mais non. Et c'est beaucoup plus simple. Comme ça, karmiquement, je ne suis pas toujours en train de mêler des affaires des autres. Ça fonctionne de ce qu'ils peuvent faire. Alors, on arrive donc dans le niveau de l'évolution. On peut développer des techniques qui vont nous faire voir l'aura. C'est facile de voir l'aura. C'est qu'éternel de voir l'aura. On peut développer des techniques qui vont nous permettre de voir totalement comment structurer un ego. On peut développer des techniques pour nous permettre de même de voir à travers les murs ou ces choses-là. Ce que les Russes travaillent énormément, puis les Américains aussi, au niveau de ce qu'on appelle la parapsychologie. J'appelle ça un œil magique, si. Non, ça, c'est un trou dans la porte, ouais, c'est ça, c'est pas la même chose. Sauf que ça ne nous fait pas évoluer. Comme je dis souvent, il y a des personnes qui travaillent des années pour ouvrir leur troisième œil, puis après, on ne peut plus dormir, parce qu'ils ne savent pas comment le fermer. Alors, tu fermes tes yeux, tu vois encore la pièce, l'aura, les affaires qui se promènent, tu vois des fantômes partout, tu vois des farfadets quand ils se promènent dans la forêt. Tu peux peut-être avoir peur, parce qu'il y en a, il y en a autant qu'il y a de plantes, ou d'animaux, donc, ou d'insectes. Fait que là, t'as l'impression que tabarnouche, moi qui voulais avoir la pêche, tu l'as tout seul dans le bois. Ferme ton troisième œil. Comment on fait? Ah, la paupière n'est pas encore développée. Attends. Que voulez-vous? T'as voulu l'ouvrir. Donc, quand on évolue, c'est pourquoi on doit toujours investir sur ce que nous sommes plutôt que ce sur que nous voulons avoir ou sur ce que nous voulons devenir. Et pour investir sur ce que nous sommes, on doit non pas essayer d'avancer vers où on veut aller, mais se retourner de bord, puis s'arranger pour ne plus être ce que nous ne voulons pas être. Et naturellement, on va s'en aller exactement dans le trou où on a à aller. De toute façon, on va y aller, mais là, on va y aller sans souffrir, on va y aller avec le plaisir. C'est intéressant. Et au fur et à mesure qu'on va avancer, de vérité cosmique, on passe à des mensonges cosmiques, à vérité cosmique, à mensonge cosmique, à vérité cosmique, à mensonge cosmique. Et à un moment donné, on va se libérer totalement de la dualité des vérités, des mensonges. Le troisième œil, là. À partir du moment où on commence à se conscientiser, c'est pas ça qui arrive. On peut appeler ça comme on voudra, mais... C'est un troisième cerveau. On commence à voir ou à percevoir des choses qu'on ne percevait pas, puis tu n'as pas le choix, tu ne peux pas arrêter. Comme troisième cerveau. Tu n'as pas eu le mode d'emploi, fermer les paupières. Oui, c'est un troisième cerveau. C'est un cerveau éthérique. C'est un cerveau espritique, c'est un cerveau qui existe, c'est les prémices de la création de la double éthérique. Et ça va être en communication vibratoire avec la glande pinéale, qui, elle, est en communication endocrinienne surtout et neuronique avec le reste du cerveau. Progressivement, la glande pinéale va recommencer à inhiber la glande hypophyse et tout ce qui va amener, à un moment donné, les corps physiques à être sexués. Tu garderas les caractères sexuels secondaires, évidemment. Ce qui va arriver progressivement, c'est que l'être humain va changer son comportement. Psychologiquement, l'astral, qui s'exprime uniquement par le système hypothalamien et hypophyse, qu'on appelle souvent le troisième œil, alors que le troisième œil... va être plus une captation cérébrale pinéale, donc une captation de la glande pinéale à travers ce qui se vit. Mais le troisième cerveau est un... Lorsque l'être humain commence à s'en égoïser, il commence à créer dans le plan moronciel, qui est le plan entre le monde de la mort, le plan astral, planétaire et le monde de la vie, le monde de la matière, il commence à créer une correspondance similaire à ce qu'il est lui, un double d'énergie vitale. Et dans l'ancienne étymologie, on appelait cela de l'énergie éthérique, donc un double éthérique. Et ce double éthérique va avoir la capacité d'intelligencer les choses. Il y a une partie chez l'humain, une partie hémisphérique, un hémisphère, qui va émotiviser les visions. On a une partie hémisphérique qui, elle, va rendre cartésien les visions logiques. C'est un logiférateur. Le mental va naître dans l'association des deux cortex, mais le mental va être le côté cartésien qui domine souvent. Lorsque l'être humain mentalise, il y a toujours des problématiques à mentaliser, quoique cela fait partie des nécessités de l'évolution. Parce que le mental est la seule partie vibratoire qui peut entrer en contact avec le plan supramental et qui peut donc entrer en contact avec l'intelligence instantanée. Le troisième cerveau, qui est un cerveau éthérique, donc qui n'est pas dans la tête de l'humain, mais qui travaille immédiatement avec les deux hémisphères cérébraux par le biais de la glande pinéale, entre autres, énergétiquement, et qui va travailler avec l'astral par le biais des sécrétions hormonales. Le troisième cerveau, lui, va intelligencer les choses. L'intelligenciation des choses va faire en sorte que tu auras un agiteur de pensée qui de plus en plus va te corriger, mais nécessairement, ça va te permettre de voir des choses que, normalement, avec un cerveau cartésien ou un cerveau émotif, intuitif, tu ne peux pas voir. Et en plus, tu pourras analyser émotivement les nouvelles visions, donc tu pourras spiritualiser les nouvelles visions, tu pourras analyser logiquement les nouvelles visions, donc tu pourras intellectualiser les nouvelles visions, mais tu pourras aussi être dominé par l'intelligenciation, l'analyse intelligente de ton troisième cerveau, le cerveau éthérique, de tes visions. Et à un moment donné, lorsque l'humain a suffisamment de contact avec son troisième cerveau, comment on développe le contact? Il faut commencer par faire un troisième cerveau. Comment on fait un troisième cerveau? On doit ne pas se prendre au sérieux dans la vie, donc on doit s'en égoïser, on doit cesser de chialer, on doit cesser de se plaindre, pas par concept psychologique. À un moment donné, on ne se plaindra plus parce qu'on n'a pas besoin de contrôler le plaignage, on ne se plaint pas parce qu'on ne se plaint pas. Et alors, de là, on a le troisième cerveau. Et le troisième cerveau va donc permettre l'intelligenciation, ce qui nous permet de nous échapper progressivement de tous les mensonges cosmiques, alors qu'on restera mécaniquement dans le mensonge cosmique, on ne pourra plus se faire leurrer par le mensonge cosmique. C'est comme moi, je regarde les étoiles et je sais que les étoiles que je vois n'existent plus. Depuis longtemps. C'est la lumière des étoiles qui ne sont plus là. Et à cause de la distance et de la vitesse très lente de la lumière, je perçois encore les étoiles. Mais ça ne m'empêchera pas, si je suis perdu sur la mer, de prendre un sextant, de faire le point à partir de l'illusion céleste et de me retrouver sur la planète Terre. Mais je sais que c'est de la lumière qui est envoyée simplement. Exactement comme j'ai besoin de boire, alors je dis à quelqu'un, arrose-moi. Il prend un boyau d'arrosage, il m'arrose. Et l'eau vient vers moi. Puis à un moment donné, il cesse de m'arroser. Mais j'ai encore soif. Vous voyez, mais il y a encore de l'eau qui vient. Il n'en émet plus, mais le faisceau d'eau continue à venir. Je peux continuer à boire même s'il arrose peu, parce qu'il y a encore de l'eau. Alors, l'humain va dire, le gars arrose encore, vu qu'il y a de l'eau qui vient. Le gars n'arrose plus. Puis quand l'eau arrive à cesse d'arriver, il dit, ah tiens, il vient d'arrêter. Non, ça fait 30 secondes qu'il a arrêté. On est décalé dans le temps, les étoiles, c'est plus loin. Mais c'est de l'illusion, c'est du mensonge. Alors, quand on a le troisième cerveau s'élabore progressivement, le dométhérique entre autres, progressivement, on finit par être capable de vivre dans la mécanique de l'illusion, sans être sous l'emprise psychologique ou consciente de l'illusion cosmique, donc du mensonge cosmique. Ce que souvent, ceux qui n'ont pas le troisième cerveau ont de la difficulté à faire, oui, mais si Dieu n'existe pas, si Dieu n'existe pas, il n'existe pas, puis s'il existe, il existe. Et sans souffrance. Comme je disais l'autre fois, on peut facilement, dans la mécanique cartésienne, parvenir à détruire les mécaniques institutionnelles. On dit « Dieu peut tout ». Si Dieu peut tout, Dieu peut-il créer un objet tellement lourd qu'il ne pourrait pas le lever? Si Dieu peut tout, il peut faire ça. Tout le monde va dire « Ben oui, parfait ». Maintenant que Dieu l'a créé, est-ce que Dieu pourrait le prendre et le lever? S'il ne peut pas le lever, Dieu ne peut pas tout. Tu dis, ben oui, il peut le lever. Donc, il ne peut pas créer un objet qu'il ne pourrait pas lever. Donc, il ne peut pas tout, encore une fois. Dieu est fait. Alors, mais au niveau de l'intelligence, ça ne te dérange pas, ça ne te fait pas souffrir. Une chance qu'il ne t'a pas rencontré avant de se créer, parce qu'il serait posé des questions. Il ne serait probablement pas créé. On pose l'autre question avec, quand j'étais jeune, de temps en temps, j'allais manger chez les Krishna. Et la journée où je leur pose la question, est-ce que Dieu est partout? Ils me disent oui. Donc Dieu est dans l'homme. Non, non, non, Dieu n'est pas dans l'homme. Donc Dieu n'est pas partout. Oui, il est partout. Mais s'il est partout, il est dans moi. Non. Donc il n'est pas partout. Oui, il est partout. Eux souffrent de voir certaines choses alors que l'individu qui, à un moment donné, est capable d'intelligenciation, l'individu réellement conscientisable, mutable, celui-là ne souffrira pas de voir son évolution venir démolir les structures sur lesquelles son évolution se basait à l'époque. Il sera capable d'accepter du neuf. Alors, le Krishna aurait pu dire, crime, ça a de l'allure. S'il est partout, nécessairement, il est chez nous. Mais c'est écrit clair et net qu'il n'est pas chez l'homme. Donc, les Écritures sont fausses. Parce qu'il devrait être faux. Ou Dieu n'est pas partout, mais c'est écrit qu'il est partout. Donc, il est chez l'homme, mais c'est écrit qu'il n'est pas chez l'homme. Un et un font deux, donc il y a quelque chose qui ne va pas. Mais au lieu de souffrir, puis de continuer à vouloir entretenir l'absurdité, oui, il est partout, mais il n'est pas chez l'homme. On est où? n'est pas là. Alors, donc, quand on a l'élaboration du troisième cerveau, on est capable d'arriver à se rendre compte de certaines choses qui ne nous font pas souffrir, où on va simplement se dire, bien, effectivement, il doit y avoir une réponse. C'est quoi la réponse? Je ne le sais pas. Maintenant, est-ce qu'on va voir un film? Oui, mais là, ça t'insécurise pas. Mais non. Mais pourquoi? Mais je ne le sais pas. C'est un fait. Je n'ai pas de problème. Oui, mais vas-tu chercher la réponse? Non. Mais un jour, peut-être que je vais la trouver, mais je ne la chercherai pas. On pourra en parler à un moment donné, peut-être qu'elle va venir, la réponse. Donc, tu t'en fous. Je ne m'en fous pas. Je n'y suis pas attaché. Je m'en servirai lorsque je l'aurai, mais présentement, je ne l'ai pas. Puis là, en plus, l'individu ne se dit pas ça. L'individu il dit ça à l'autre qui ne comprend pas. Tu sais, souvent, les personnes, ils disent, « Ouais, mais ceux là, qui sont conscientisés sont toujours en train de regarder les autres, d'analyser, de penser à l'astral, puis tu sais. » Non! Quand on parle, on dit, « Oui! » C'est comme de dire, « Crime, la femme qui est là, elle est toujours en train de dire, « Ma corde à linge, elle va-tu casser? Il y a de la robe qui est dessus. » Non! Quand elle parle avec la voisine, elle parle de corde à linge. OK! Mais quand elle ne parle pas de la voisine, elle ne pense pas aux corde à linge. Alors, celui qui se conscientise, il vit très bien. Quand il communique, ben, dépendant de quoi on parle de certaines choses. Il n'est pas toujours en train de regarder l'astral, ouais, puis de regarder la télévision, de me poser des questions sur l'astral, puis de ci, puis de ça. Puis c'est non. Quand je cours, je cours. Puis quand je parle, je parle. Si on parle astral, je parle astral. Quand je cours, je cours. Tu cours-tu aussi vite que tu parles? Ah, apparemment que je cours assez vite, oui. Poser d'auto. Surtout quand je vais dans la direction opposée des autres. Et là, je les vois statistiquement. Comme quand tu parles. C'est ça. L'utilisation du mot « je » est-elle retardataire? L'utilisation du mot « je » est extraordinairement importante à un certain niveau de vision du mensonge cosmique. L'identification de l'humain à autre chose que la collectivité. Mais le « je » est collectivisé rapidement. « Je veux être comme tout le monde. » Donc, tu avais qu'à laisser faire le jeu, pas dire « nous sommes bons », tu sais, c'était « je suis bon comme les autres ». Alors, tu as individualisé, mais tu te collectives rapidement. Bon, c'est correct, mais c'est des étapes. Il va venir à un moment donné où, effectivement, on va se rendre compte que le mot « je » est bizarre. Mais j'ai essayé souvent de changer certaines formes. Alors, est-ce que c'est mon enfant? On va dire non. Dis son nom. Alors, on va être d'accord, c'est un tel. Est-ce que c'est mon automobile? Mon possession, c'est ridicule, planétairement parlant. Alors, c'est l'automobile. Quel automobile on prend? On prend l'automobile. Bon, est-ce qu'on prend la noire ou la noire? La noire. Pas la tienne, là. On peut pas dire la tienne ou la mienne. Là, on va se faire oublier. La noire à gauche ou la noire à droite? Ça dépend si c'est en arrière ou en avant. Exact, là, ça dépend. Bon. Finalement, quand on va mettre une par-dessus l'autre. C'est la haute, c'est la dessous. Mais l'autre vient avec. Quand tu prends celle là-dessous. À suivre. Alors, à un moment donné, et j'étais jeune quand je me posais la question, parce que je trouvais ça ridicule. Mon chat, c'est pas mon chat. Mon terrain, mon chemin, ma vie, c'est pas ma vie, c'est la vie. Mais c'est pas la vie. La vie, c'est la vie des autres. Mais c'est plus ça. Puis, bon. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qu'on finit par se dire? On finit par se dire, vous comprenez la mécanique, là? C'est pas ton automobile? Non? Parfait. Alors, est-ce qu'on prend ton automobile? Oui, prenons-la. Mais on sait que c'est pas la nôtre. Mais c'est très pratique pour communiquer. Ça simplifie les choses. C'est sûr qu'on peut ajuster, à un moment donné, voici ma femme, voici mon mari. Non, voici un tel, voici une telle. D'accord. Mais tes enfants, c'est lesquels, là-dedans? Lui, elle, plutôt que de dire, je n'ai pas d'enfant. Commencer un dialogue philosophique avec le préposé au stationnement qui veut savoir, tu sais. Est-ce qu'il y a 7 ans, oui ou non? Alors, c'est beaucoup plus facile. On comprend le principe. Donc, le mot « je » n'est absolument pas retardataire lorsque l'on sait de quelle façon on l'applique, pourquoi on l'emploie. Ça simplifie les choses, mais on le sait. Alors, à un moment donné, comme une personne me dit, « Ouais, mais j'ai peur qu'elle vienne pas. » Eh bien, j'ai pas peur. Non, tu sais, mais je crains qu'elle vienne... Non, je crains pas non plus. Je entre toi et moi, là, disons, t'as peur qu'elle vienne pas, mais je sais que t'as pas peur. Faudrait inventer un nouveau mot, soit. S-W-A-T. Non. Il faudrait inventer un nouveau mot. Mais en attendant, on peut conserver des mots. Oui, mais j'ai peur. Langage est faux. Y a-t-il un autre mot? J'appréhende. Non, c'est pas de l'appréhension. Je m'en fous qu'elle vienne pas. Ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que probablement qu'elle ne viendra pas. Mais c'est même pas une impression. C'est, je veux... Voilà. Alors, on va dire j'ai peur, mais en réalité, n'a pas peur. Temporairement, conservons les mots. Puis quand vous serez télépathe, en réalité, on ne développe pas de télépathie en évoluant. On devient énergiopathe. Quand vous serez énergiopathe, ces mots-là ne seront plus utiles. Mais en attendant, autant continuer à s'en servir, sinon, pour éliminer l'apparence d'un problème, qui est un problème. Mais quand on en est conscient, ce n'est plus un problème. Et maintenant, pour éliminer l'apparence d'un problème, on risque de s'en créer un plus gros. Donc, non, on continue à employer le mot « je », le mot « moi », mais le mot « moi », ce n'est pas un mot « moi » orgueilleux. C'est un mot « moi » pratique. Moi, je n'y vais pas. Et à un moment donné, je n'y vais pas. Et le « je » est un mot pratique. Mais ce n'est pas un mot d'ego. C'est embêtant, par exemple, pour les autres qui sont alentour, quand tu... Je me souviens d'une soirée dans un restaurant où on a commencé à se parler en oui, trois je mots, sais. On a dit quatre phrases. La serveuse à côté se demandait qu'est-ce qu'on voulait dire quand tu disais... En réalité, c'est pas vrai. C'est, je me suis assis, tu t'es assis. Après, si tu dis à ta question, la réponse, c'est non. Puis moi, ben, c'est ça, je pensais. C'est ce que je pensais. Puis là, je continue. Puis effectivement, il n'y a pas de question, il ne s'est rien dit du tout. Puis quand tu dis une connerie, l'autre est d'accord avec. Ça, c'est l'énergiopathie. Bon. Puis même là, je connaissais la réponse. Tu le dis parce que bon, l'habitude astrale manque, hein? Mais c'est pas grave. Personne ne nous trouve bizarre. Puis c'est vrai, on est bizarre. Effectivement. C'est pas comme on pense. Ça. C'est ça que je pensais. J'ai toujours apprécié la solitude, mais depuis quelque temps, elle me pèse. L'ego trouve tout plate. Le corps bouge pour faire quelque chose, puis au bout de quelques secondes, il s'arrête car c'est plate. Il recommence autre chose. C'est toujours aussi plate. Je tourne en rond quand je ne reste pas figé sur place. L'ennui est tel que cela en est plate. Il ne reste plus à l'ego qu'à faire manger le corps, et celui-ci grignote en masse, car c'est sans goût. Ce n'est pas la saveur recherchée, la frustration est toujours là. Une partie de moi voit ce jeu et détruit... Non, pas détruit. Une partie de moi voit ce jeu... et défie à l'antihomme de sortir s'il trouve cela trop plate. Je bouge le corps quand il est amené à grignoter. N'y a-t-il que la patience pour faire face à tant d'incohérences et tant de décisions? Cette personne est une personne qui évolue et qui est rendue à un niveau d'évolution qui est intéressant. C'est par rapport à quoi? Par rapport à rien. Donc, on s'en fout, mais n'empêche. Bon, d'accord. Alors, ce niveau d'évolution intéressant... Elle a dit que c'est plate. Exact. Et c'est un problématique. Il y a une conférence qu'on va faire au mois de août où on revient sur cette mécanique. La personne est de plus en plus de conscientisée, voit le phénomène. Il y a des gens qui viennent pour la première, deux, trois, quatrième fois, puis à un moment donné, ils se disent, « Ouais, mais c'est tout du monde fois qui viennent aux conférences de Nierkiem. C'est tout du monde. » Ben effectivement, oui, nos préposés ne sont même pas capables d'embrasser les gens quand ils arrivent. Tu sais, là, bonjour, fait longtemps qu'on s'y est vu, ça s'embrasse tout. Ils ne pourraient pas, on les payerait, il n'y aurait rien à faire. Inhibé total. Ils ne peuvent pas. Alors qu'il y a des endroits où, effectivement, ça semble beaucoup plus... ça fait partie du mensonge cosmique, parce que finalement, tu sais, je vous aime tous. Finalement, on s'en fout tout comme la 40, mais on développe une atmosphère intéressante. Tu sais. Tu m'aimes, oui, de moi 50 piastres, cette fois-là. Mais... Ça fait partie de l'illusion cosmique. Par contre, ça a un avantage indéniable, le fait, par exemple, que les gens aient une chaleur humaine, que les gens s'embrassent ou se serrent la main, que les gens se parlent, etc. T'sais. Ça fait quatre fois que vous la voyez ici, bon, on s'embrasse. J'étais dans un centre, à un moment donné, il y a quelques années, pour aller vérifier si on ne pouvait pas le louer. Puis en arrivant là, ben là, tout le monde s'embrassait. La personne qui m'amenait là, tout le monde s'embrassait. La personne vient pour m'embrasser, puis là, moi, je bouge pas. Puis là, elle ressort une valeur, il m'embrasse pas. Fait que moi, j'aurais répondu. Puis j'ai rien pu traiter là non plus, elle voulait même plus me parler. Bon. Mais là, on reçoit pour moi. Hein? Bon, là, c'est vrai s'amuser. Qu'est-ce qui arrive à cette personne-là ici? Il lui arrive un peu ceci. Il lui arrive que quand on évolue au niveau de la conscientisation, et c'est logique, c'est correct. Quand on en est conscient maintenant, il faut bloquer la logique, c'est plus correct. C'était Yavik, maintenant, ça devient satanique. C'est plus bon. C'était bon, c'est plus bon. Vous avez un cric pour monter votre automobile, là, quand la roue de secours est changée, là. Très, très bon, le cric. Maintenant, il faut le loter. Vous portez avec, là. Ça va abîmer quelques morceaux d'après l'auto. Alors, il arrive quoi? Il arrive que l'être humain, au fur et à mesure de son évolution, essaie, et c'est normal, naturel, d'énergiser surtout les corps qui sont ascendants, les corps qui permettent à l'humain d'atteindre de nouveaux plans de conscience. Nécessairement, il y a des corps qui vont nuire. L'humain a passé son temps à broyer que le corps physique le limitait. Mais à un moment donné, son corps physique était capable d'amener suffisamment d'intelligence pour structurer les automobiles, structurer un paquet de choses matérielles qui ont quand même aidé à compenser les limitations du corps physique. On peut toujours pas traverser à travers les murs, mais on a inventé les portes. Bon. On ne voit pas à travers les murs, on a inventé les fenêtres. Bon, on ne vole pas d'ailes, on prend l'avion. Maintenant, ce qui arrive, c'est que rendu à un certain niveau où l'humain, mentalement, se fait informer par de l'intelligence. Les humains sont en contact avec de l'intelligence. Peut-être qu'ils ne l'expriment pas tous. Ils n'en sont pas tous conscients parce que leur ego vit du médiocrisme. Ils se le refusent. Ils vont voir, par exemple, Daniel Kim ou d'autres personnes pour se le faire confirmer, alors qu'ils le savaient d'avance. C'est correct. Se le fassent confirmer, au moins, ils peuvent se servir après de ce qu'ils sont capables d'eux-mêmes de savoir. Mais énergisant les corps les plus avancés, ce qui arrive, c'est que les corps inférieurs commencent à perdre leur énergie. Le corps physique peut perdre son énergie, mais parce qu'on est obligé d'alimenter, parce qu'il est bien structuré pour nous le faire savoir, ben on l'alimente. Mais souvent, on l'alimente sur le pouce, très rapidement, et pas nécessairement convenablement. Le corps vital a besoin aussi, mais quand le corps vital est épuisé, on tombe, on dort. Mais progressivement, à la longue, on finit par ne plus être capable, on n'a plus un bon vital, on n'a plus un bon physique. Pourquoi? Parce qu'on grossit le corps mental. Quand on travaille en affaires, souvent on nourrit le corps mental, on nourrit le corps astral, et progressivement, le corps physique et le corps vital finissent par s'en ressentir. Quand on se conscientise, à un moment donné, on nourrit le corps mental, on commence à nourrir les prémices du corps supramental, mais le plus grand frein au contact supramental, c'est l'ego. Dans l'Antiquité, on disait « soyez humble ». Mais l'humilité, ça fait partie du mensonge cosmique, on peut être humble et en être fier. L'anégoïsation ne fait pas partie du mensonge cosmique. On ne peut pas être anégoïque et en être fier. Immédiatement, on se fait dire par le mental que c'est de l'ego. Donc, on n'est pas anégoïque là-dessus. C'est plus juste. Le problème, c'est qu'il va venir un temps où, nécessairement, pour engendrer le double éthérique, on comprendra consciemment ou inconsciemment que l'anégoïsation nous amène là, la fonte de l'ego. Plus on s'anégoïse, moins on a besoin de nourrir l'ego. Et plus on va lutter pour empêcher la nourriture de l'ego. Donc, à un moment donné, on ne voudra plus être touché par n'importe qui. On ne voudra plus embrasser n'importe qui. On ne pourra plus, mentalement, on va lentement établir des structures d'inhibition qui vont nous empêcher de nourrir l'ego. Et moins on nourrit l'ego, plus on peut placer d'énergie au niveau du plan supramental, plus on sera capable, à un moment donné, de restructurer le corps physique. On va se dire, écoute, c'est pas correct de manger comme ça, puis je vais manger un peu mieux. Mais l'ego, il perd son profit parce que l'ego, lui, s'alimentait énergétiquement de la saveur des gâteaux au chocolat. Mais là, maintenant, c'est plus ça. Et progressivement, on pourra aller jusqu'à restructurer le corps physique, le corps vital. On nourrit le corps mental, on nourrit le plan supramental et on ne nourrit plus l'ego. La problématique, c'est que l'ego n'étant plus nourri, c'est une bonne chose. Mais le corps astral est nourri par les mêmes créneaux qui nourrissaient l'ego. Alors, à un moment donné, on ne nourrit plus l'ego et on ne nourrit plus le corps astral. Ne nourrissant plus le corps astral, il y a une grande batterie. Mais progressivement, le corps astral va commencer à avoir faim. Cette faim, c'est l'ennui. C'est un vide énergétique où l'individu ne s'ennuie de rien, de personne, mais il est totalement vide. Il s'ennuie. Alors, il n'aura plus le goût de faire X, Y, Z parce que peut-être qu'il y a des implants inhibiteurs qui vont lui dire, bon, ben, je vais aller voir un film. Mais en allant voir un film, il aura inconsciemment l'impression ou consciemment qu'il fait rien qu'encore nourrir son ego. Alors, il va bloquer les entrées pour ne pas nourrir l'ego. Il nourrit donc aura pas plus le corps astral. Et progressivement, il perd au niveau du corps astral. Ce qui fait qu'il en arrive à un vide total du point de vue du corps astral. Qui va faire en sorte, à un moment donné, que le corps astral, pour se nourrir, va puiser dans le plan mental. Donc, l'individu va perdre même sa lucidité mentale. S'il est très mental, ne perdra pas sa lucidité mentale. Alors, l'astral va maintenant puiser dans le corps vital. ne pouvant plus être dans le corps mental, il va plus dans le corps vital de l'énergie. Alors l'individu va commencer à être de plus en plus un individu fatigable. Il sera fatigué, manquera d'énergie, manquera de pep. Et le corps vital, pour ne pas trop se déperdre, va maintenant plus dans le corps physique. Et on va engendrer progressivement des maladies typiques de l'évolution. Et en même temps, l'individu devient un individu facilement dépressif. Mais si le mental est suffisamment grand, il va se rendre compte qu'astralement, il est déprimé. Il ne pense pas au suicide. Le mental n'est pas déprimé. Mais là, les structures qui lui ont permis de monter sont entrées progressivement de se désagréger. Alors, l'individu aurait besoin de quoi? L'individu aurait besoin d'amour. Mais il n'a pas besoin d'amour. En réalité, l'individu a besoin d'énergie astrale, mais d'une énergie astrale non colorée. Si c'est une femme, par exemple, la femme pourrait dire, j'aurais besoin, ce soir, là, j'aimerais bien ça, de pouvoir juste m'évacher, puis avoir quelqu'un qui viendrait juste me faire un massage complet, qui m'enverrait, là, tu sais, bon. Mais, tu sais, si je me fais masser par un gars, tu sais, c'est compliqué. Une personne va venir pour la toucher, puis elle n'aimera pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'inhibiteurs et d'archétypes que finalement, elle va refuser tout ça. La personne va dire, bon, mais tiens, je vais me payer un luxe ce soir. Puis en même temps, elle est inhibée. Elle est allée se payer un luxe, mais elle n'a pas bénéficié du luxe. Elle s'inhibe parce qu'elle ne veut pas nourrir l'ego, consciemment ou inconsciemment. Ce qui fait que l'individu rendu à ce niveau-là doit maintenant trouver des façons, des techniques, des manières de nourrir le corps astral sans nourrir l'ego. Parce que sinon, à un moment donné, on en a besoin. On est des parents et on a des enfants. Et puis nos enfants, ben l'enfant, il veut s'asseoir sur toi, tu sais. Puis toi, c'est pas long que ça te tanne. Pourquoi? Ça nourrit ton ego. Mais en réalité, ça nourrit ton corps astral. Parce que ça nourrit le corps astral, puis qu'au niveau d'information, pour structurer la nuance subtile entre nourrir l'ego et le corps astral, on n'aimera pas ça. Alors, tes enfants aimeraient se tirailler avec toi. L'adulte est un adulte conscientisé, ne feront pas ça. Alors, on a des conscientisés qui ne campent pas, qui ne jouent pas, qui ne rient pas. Et eux ne nourrissent plus leur corps astral. Et à un moment donné, ils vont vivre un vide total planétaire où leur ego, dans le mensonge cosmique, pourrait leur suggérer des façons d'aller se nourrir ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? À un moment donné, une personne peut devenir conférencier ou simplement haranguer les autres. Elle parle. Elle nourrit son corps astral. Mais elle ne le sait pas. Elle va dire, la spiritualité, c'est mauvais. Puis le corps, il va. Une fois, quand elle sort de là, bon, c'est là que je leur ai dit. Elle a nourri son corps astral. Mais elle ne le sait pas. Ça fait partie du mensonge cosmique. Elle fait ce qu'elle dit qu'il ne faut pas faire. Mais inconsciemment. Alors qu'en réalité, à un moment donné, on doit développer des structures qui vont nous permettre de nourrir le corps astral sans venir renforcer l'ego qui, de toute façon, travaillait contre nous autres. Mais là, l'ego, lui, se nourrit aussi bien de votre malheur que de votre bonheur. Il se nourrit d'énergie mémorielle répétitive. Il se nourrit d'habitude. Alors, à un moment donné, rendu à un certain niveau, l'individu voudra recommencer à nourrir son corps astral, pas l'ego, et l'ego va venir l'empêcher. Et là, on revient avec « prends ton corps et bouge ». Quand on sait que c'est intelligent, « prends ton corps et bouge ». Alors, je peux dire à une personne, il y a tel film. Dernièrement, il y a un film intéressant, mais ça dépend des individus. Il y a tel film que tu pourrais regarder et ça va nourrir ton corps astral. Mais quand tu vas le regarder, regarde-le astralement. Oui, mais ça nourrit mon ego. Ça nourrit pas ton ego. Parce que quand le film est parti, tu es énergisé, peut-être tu as pleuré, peut-être tu as ri, mais il y a quelque chose qui s'est passé. Tu viens de t'alimenter astralement, pas égoïquement. Et à un moment donné, est-ce que le film, tu veux le revoir tous les jours, veux-tu acheter la cassette? Non. Tu n'es pas tombé en amour avec le film. Il n'a pas nourri ton ego. Il nourrit ton corps astral. Alors, à un moment donné, il y a des individus avec qui on se plaît. Oui, mais là, je l'invite-tu pas, c'est mon maudit ego encore. Il faut faire attention à un moment donné, parce que votre ego peut décider que vous allez manger. Et votre corps physique peut aussi avoir faim et vous obliger. De végétaux. Tu commences à manger ça, maudit que c'est bon. Tu vois, gars, je nourris encore mon ego. Nourris ton corps physique pour l'instant. T'en as besoin. Puis mentalement, tu vas facilement aller récupérer l'énergie que l'ego a ramassée et faire d'autres choses avec. Au pire, tu diras simplement, tiens, mon ego aime quand je mange des choses bonnes pour mon corps. Tant mieux. Pourquoi travailler contre l'ego quand l'ego travaille pour nous autres? La personne ici est là présentement, un corps astral qui est effectivement déstabilisé, un corps astral qui manque d'énergie, un corps astral typique de souvent déconscientisé. Et donc, au mois d'août, je vais revenir sur certaines... si la personne, elle a fait le séminaire, il y a un PMC+, qui, justement, va traiter. L'idée, c'est comment devenir une centrale d'énergie. Traiter comment énergiser le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps mental et le plan supramental. Donc, elle aura 10 heures là-dessus, si c'est une séminariste. Sinon, il y aura des bribes de comment parvenir astralement à s'énergiser sans trop perdre sur tous les plans. Au mois d'août, il y a une conférence qui va porter là-dessus. Tu n'es pas nécessairement sur le phénomène. Là. Comment ne pas perdre d'énergie en amour ou comment gagner de l'énergie en amour. On verra donc dans ces deux conférences cette mécanique. Alors, donc la personne, elle pourra se procurer les conférences ou enfin y assister. Mais qu'est-ce qui lui arrive présentement? C'est juste cela, c'est qu'il y a un vide total. Et comme mentalement, elle s'inhibe en fonction des plaisirs de l'astral, donc elle essaye quelque chose, l'inhibiteur vient se planter, c'est plate immédiatement. Mais en même temps, elle a une recherche, un ennui, il y a quelque chose. Oui, elle a faim. Le corps astral est en train de se désintégrer progressivement au détriment du reste des structures évolutives. Oh, elle en a de l'énergie encore avec et de problèmes, mais elle sent déjà la faim astrale. Mais en même temps, il y a des inhibiteurs. Est-ce que les êtres de lumière ont un lien avec les êtres de Vénus? Oui et non. À quel niveau je réponds? B. Niveau B. Oui, en ce sens qu'ils font partie de l'illusion et du mensonge cosmique de l'humain. Oui, en ce sens que les deux veulent aider l'humain pour se servir de l'homme. Oui, en ce sens que quand l'humain est rendu à un certain niveau, les deux deviennent sataniques et ils nuisent à l'humain. Et non, si on descend un peu au niveau des réponses, non, ils n'ont pas de lien en ce sens que les êtres de lumière, ce sont des particularités éthériques créées par les corps qui sont morts des humains du passé, alors que les êtres de Vénus sont des phénomènes extraterrestres qui vont engendrer les seigneurs de la Lune, qui vont engendrer une partie des gardiens des mécaniques intraterrestres et qui vont engendrer qui vont permettre le mixage entre entre les corps physiques des animaux humains de l'époque et leur énergie astrale amique qu'eux avaient à l'époque. Donc, il y a une nuance, c'est-à-dire que les guides de lumière, ce sont des mécaniques qui proviennent du monde de la mort, attachées au contexte planétaire, attachées au contexte évolutif planétaire. Donc, les guides de lumière sont des entités astrales, hautement spirituelles, qui ont la capacité de descendre, rejoindre la conscience astrale des individus, soit quand ceux-ci meurent, soit quand ceux-ci sont morts. C'est-à-dire que dans un corps physique, mais avec une conscience mémorielle. Alors que les êtres de Vénus, qui présentement sont à peu près totalement désintégrés, il reste des particularités. Il y a des êtres qui proviennent de Vénus cachés au niveau des phénomènes intraterrestres. Il y en a aussi au niveau des seigneurs de la Lune. Mais donc, sur certains points de vue, c'est totalement la même chose. Ils ont des liens du point de vue de leur mécanique, de ce qu'ils tentent d'accomplir. Voler les mécaniques évolutives de l'humain. Les guides de lumière sont là pour ramasser l'énergie évolutive de l'humain pour s'en servir pour eux-mêmes. Les êtres, les phénomènes vénusiens sont là pour voler la génétique de l'humain, la génétique biologique, de façon à se servir de l'évolution des corps physiques, comme d'ailleurs le font les mécaniques intraterrestres, oui, quasiment toutes les mécaniques extraterrestres. Pourquoi y a-t-il eu expansion cosmique pour ensuite y avoir fusion cosmique? Premièrement, il faut qu'on comprenne certaines choses, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions de point de vue. Si je vous dis qu'il n'y a pas d'expansion cosmique, plusieurs vont dire, ben voyons donc, il y a même un décalage vers le rouge, c'est prouvable facilement astrophysiquement qu'il y a une expansion cosmique. Oui, mais c'est prouvable astrophysiquement aussi qu'il n'y a pas d'expansion cosmique. La lumière, elle est près de moi. Alors, à un moment donné, elle s'éloigne. Si elle s'éloigne, la vibration, la longueur d'onde de la lumière va lentement être étirée, parce que la lumière s'éloigne. Étant donné qu'elle est étirée, elle aura un décalage vers le rouge. C'est la même chose, par exemple, vous entendez un train s'en venir, puis il crie, ou un camion. Alors, l'onde qui vient vers vous est une onde très haute. Pourquoi? Parce qu'il émet, par exemple, sur une longueur d'onde 3, alors, on aura un bruit particulier. Et la longueur d'onde 3, elle est émise, c'est correct. Parce que le train avance, il rattrape un peu la longueur d'onde, donc il la compresse. Ce qui arrive à notre oreille est plus haut. Quand le train arrive à notre niveau, ce qu'on entend à notre oreille, au niveau de son criard, c'est la longueur réelle. Ce qu'on entendra au ralenti, quand le train sera à l'arrêt. Puis quand le train vient de passer, ça fait... Bon. Quand le train est maintenant passé, vu qu'il émet la même longueur d'onde, mais qu'il s'éloigne, il l'étire, elle devient plus basse. C'est ce qui va nous faire dire au niveau de la lumière, vu qu'il y a un décalage vers le rouge, que tout le système lumineux tend à s'éloigner. Une autre explication intéressante, c'est la courbure spatio-temporelle. Si la lumière suit un chemin pour venir vers moi et que plus ça va, plus il y a une courbure, plus la lumière prend un chemin qui est plus long, nécessairement, j'aurai toujours la même impression que la lumière s'éloigne. Et dans le jeu des relativités, j'aurai la même explication au niveau du décalage. Pourquoi? Parce que le canal s'étirant, il étire les longueurs d'onde dedans. Puis ma lumière ne se sera jamais éloignée de moi. Et on peut en rajouter d'autres explications aussi plausibles. Dans la réalité réelle, tout ça n'existe pas. Oui, c'est ça que j'allais dire. Alors, il n'y a pas d'expansion pour avoir une rétractation. Au niveau de l'explication, j'ai déjà expliqué dans une conférence régulière que les concepts, c'était utile parce que le concept nous permettait de cumuler, de conserver de l'énergie. Ou c'est d'une conférence spéciale, je ne sais plus, mais en tout cas, j'en ai parlé un petit peu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque je crois en Dieu, je suis capable maintenant de mettre énormément d'énergie qui peuvent rentrer, qui ont une longueur d'onde suffisante pour être accolée au concept divin. Lorsque je crois en quelque chose d'autre, ben, je peux peut-être placer d'autres formes d'énergie. Alors, quand on parle d'expansion de l'univers, ça nous permet de placer énormément d'énergie dans l'expansion de l'univers, alors que tout ce que nous avons besoin, c'est l'énergie placée dedans et non pas l'explication, la forme de l'énergie. Lorsqu'à un moment donné, on parlera de fusion ou on parle de double éthérique ou ces choses-là, ce sont des concepts qui font partie du mensonge cosmique, extrêmement ajustés à une forme de réalité cosmique. Mais à un moment donné, on se rendra compte que ce n'était pas tout à fait comme ça. Surtout que moi, j'en parle d'une façon et ce qui est compris d'une autre façon. L'important, c'est que ce concept-là nous permet de placer de l'énergie qu'on ne peut pas mettre dans les vieux concepts. Et on continue donc à évoluer. Si les vaches qui regardent passer le train comprenaient ce concept-là, ils pourraient-ils donner du yogourt à la place du lait? Non plus. J'en pensais. J'en pense mental, là. Ça. Je peux toujours demander pourquoi ils regardaient passer les trains comme ça. Peut-être que c'était une explication. Train-train habituel, là, si tu veux, c'est comme ça. C'est le train-train. Pourquoi le temps... Non, mais les vaches regardent passer le train, c'est simplement parce que le train passe. Tu sais, cosmiquement parlant. Non, oui. Si une auto passe, les vaches regardent passer l'auto. S'il y a un piéton qui passe, les vaches regardent passer le piéton. Mais s'il n'y a personne qui passe, les vaches, ils regardent personne. C'est pas une mission planétaire. Non, mais ils regardent ça passer, puis quand c'est passé, ça ne même pas que ça a passé. Ils continuent à monter. C'est comme. En plus, c'est tellement fou, hein. Vous regardez les vaches, ils regardent même pas le train, ils s'en foutent maintenant, ils sont habitués génétiquement. C'est comme le coq, c'est le coq qui se lève au chant du coq. Ouais, certains à minuit, 2h du matin, 8h du soir, 4h. Il chante la nuit. Ça chante à n'importe quelle heure. C'est le mensonge campagnard. Ils ont des décalages horaires. Ah, oui, oui, le coq chante au lever du soleil, oui, certain. Chaque fois qu'il y a une étoile qui apparaît, il chante. Pourquoi le temps. On va revenir à des choses sérieuses, là. Pourquoi le temps ou l'espace-temps ne voyage-t-il que dans une direction du passé vers le futur? Si l'espace-temps est. Je sais pas quoi. Tué, je pense. Si l'espace-temps est lié, on ne peut donc remonter dans le temps avec notre conscience sans remonter l'espace, et donc c'est impossible de rester tout en remontant le temps, de rester nous tout en remontant le temps. Donc, pourquoi le temps et l'espace-temps ne voyagent-ils que dans une direction? Il faut comprendre une chose, c'est que le temps et l'espace-temps ne voyagent pas. Nous voyageons dans le temps et dans l'espace-temps, et nous voyageons dans une direction. Est-ce que nous allons tous sortir du temps et de l'espace-temps en même temps? Non. C'est nous qui voyageons? Non. Nous serons tous sortis en même temps, mais nous n'allons pas tous en sortir en même temps. C'est clair. Oui. Bon. Tu méditeras ça. Maintenant, ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que le temps et l'espace-temps sont une mécanique instantanée qui échappe totalement à la vision consciente de tous les corps qui sont créés atomiquement. Autrement dit, c'est que tout ce qui a une conscience biologique, de prime abord, voyage dans le temps. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne pouvez pas regarder quelque part et voir en arrière en même temps. Vous devrez déplacer votre regard, et quand vous voyez en arrière, vous ne voyez plus par là. C'est une mécanique de tout ce qui est une créature de l'espace-temps. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas tout voir en même temps. Donc, on doit se déplacer dans l'espace-temps pour avoir une capacité de mémoriser. Mais même la mémoire est un phénomène d'espace-temps. On ne peut pas se rappeler tout en même temps. On doit se rappeler morceau par morceau. Pouvez-vous vous rappeler au complet d'un film? Non. Vous allez devoir revoir le film ou les morceaux du film. Ça prendra encore du temps. Et à travers le temps, il y aura une mécanique d'espace qui va jouer. Mais dans un phénomène instantané, le passé, le présent et l'avenir sont intégralement là, l'espace et le temps. L'individu qui a la capacité d'être dans une mécanique plus instantanée, donc plus supramentale de prime abord. Le phénomène supramental, c'est omnipotent, c'est omniprésent. Ce n'est pas tout à fait omniscient. L'être humain qui entre dans un phénomène qui a caractère supramental est extrêmement instantané, disons proche de l'instantané, qui exclut totalement l'existence, et il a la capacité, s'il veut, d'atterrir sa conscience dans le passé ou dans l'avenir. De ce fait, l'humain, même actuellement, peut réincarner des mémoires du passé comme des mémoires de l'avenir, parce que les mémoires du passé sont actuellement présentes dans le présent de l'humain, comme les mémoires de l'avenir sont actuellement présentes dans le présent de l'humain. Bon, maintenant, et pour comprendre la réponse, ou pour pouvoir s'amuser un peu à l'intérieur de ce phénomène, le concept intéressant qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas, ça amène de l'énergie. Et on doit nécessairement échapper aux visions archétypales ou traditionnelles de ce que les physiciens ou les astrophysiciens peuvent amener. On ne peut pas remonter le temps avec notre conscience sans remonter l'espace. C'est vrai, sauf que l'espace et le temps existent actuellement. C'est une question de déplacement de l'observateur. Bon. C'est impossible de rester nous en remontant le temps. Ça, c'est évident. De toute façon, vous ne pouvez pas rester vous en allant vers l'avenir. La preuve, plus le temps passe, plus vous changez. Et c'est impossible de rester ce que nous sommes en allant vers le passé. Ce sera la même chose. Est-ce qu'on va évoluer? Non. On va nécessairement changer. Parce que l'observateur devra changer de point de vue, donc un point de vue de l'observation qu'il a lui-même qui va rester là. On pourra en parler longtemps. Est-ce que le temps se consomme ou on le traverse? Le temps n'existe pas. Alors, il te somme de le consommer, mais il n'existe pas. C'est une quantité d'espace. Ça n'existe pas. Mais on est dedans. Il faut faire attention. Quand ça n'existe pas, ça veut dire que c'est une illusion. Mais l'illusion peut être réelle. Puis elle est réelle. Ce qui me fatigue le plus, c'est d'attendre en ligne à la caisse quand celui qui me suit m'embarque sur l'étalon. Aujourd'hui, je me suis retourné pour foudroyer du regard celui qui était rendu dans mes souliers. Lui, surpris, ne s'était aperçu de rien. Alors, il nourrissait son corps astral à même le vôtre. Il était bien, il se collait, puis c'est correct. Il se demandait qu'est-ce qu'il y avait en dessous du soulier, c'était les pieds de l'autre. Ça m'a encore plus fâché. Pourquoi certains cerveaux n'arrivent-ils pas à avoir conscience de leurs pieds? Pourquoi certains pieds n'ont-ils pas conscience de leurs cerveaux? Mais vous avez la réponse, justement. Moi, je comprends. Comment votre cerveau peut-il ne pas comprendre? Bon, de la même façon que leur cerveau ne comprenne pas. C'est la même chose. Ah ben, j'ai beau lui dire. Non, c'est pas une question. Par contre, mécaniquement, par essai et erreur, l'animal humain peut apprendre. Alors, vous vous levez sur la pointe des pieds pendant 30 secondes. À un moment donné, vous vous redéposez sur vos talons. Et oui, mais disons qu'il n'y a juste pas les pieds sur mes talons. Ben, de temps en temps, vous avancez, vous reculez un petit peu, tu sais. Ayez pas plus de conscience. À un moment donné, il va finir par inconsciemment avoir un peu d'espace entre lui et vous. Ça fait de l'exercice. Oui, il va avoir de l'espace entre lui et vous, mais c'est tout. C'est comme de dire, vous marchez dans la forêt, puis il y a une branche qui vous accroche le visage. Instruisez pas la branche. C'est même mal branché, ça ne fera rien. C'est peut-être pour ça qu'il y avait des souliers à talons hauts, pointus. Hein? Les hommes avaient les... Il y avait personne qui suivait les femmes aux talons. Mais, alors qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on s'ajuste en fonction de la mécanique. Si un chien qui est dangereux, vous l'attachez, vous ne l'instruisez pas. Bon. Si le chien peut apprendre, on lui apprendra. Sinon, on le laisse faire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'êtres humains. C'est comme une personne qui arrive, qui vous bouscule pour entrer dans dans une pièce. Ben, laissez-le rentrer. On la laisse rentrer, ça finit là. Tellement plus simple. Vous conduisez une automobile, il y a quelqu'un qui fait une connerie totale. Vous avez beaucoup d'énergie à perdre pour l'instruire, alors que vous ne l'instruirez même pas. Lui a raison. Il va vous haïr un peu plus. On nourrit le monde de la mort tous les deux, puis on perd de l'énergie au niveau du plan humain. On n'en a rien à faire. Laisse-les continuer. C'est fini, là. Oui, mais il peut pas. Non, il peut pas. Non, il peut pas comprendre. Puis toi, tu peux pas comprendre. Il peut pas comprendre. Alors, cours après. Mais on perd de l'énergie. Alors, effectivement, il y a des individus qui sont à un niveau. On doit bien comprendre le principe. Dans l'évolution, c'est la même chose. Pourtant, c'est logique, il me semble. C'est bien clair. Tu devrais comprendre. Non. Un individu ne comprend pas quand il veut, tu sais. Fais un effort. Je vais vous expliquer, moi, l'astrophysique ou des grandes mathématiques, je vais vous dire, faites un effort. Il n'y aura rien à faire de plus. C'est pas une question de faire un effort. Alors, pour ces personnes-là, c'est la même chose. Par contre, leur ego est capable d'apprendre par essai et erreur, à améliorer leur situation. Alors, tant qu'ils ne souffrent pas, pourquoi, qu'est-ce qu'il y aurait à comprendre? Ils ne se rendent pas compte que ses pieds me touchent. Ouais. C'est quoi le problème? Allez dans des pays sous-développés, vous allez vous rendre compte. Les gens, là, ils vous collent, vous êtes dans une foule, là, on vous pile pas dessus, là. On est carrément embarqué dans vos souliers, dans le même quasiment dans votre linge. Oui, mais crime, il fait chaud, tout le monde pue, pourrait se coller un peu. Ils sentent pas que ça pue. Ils le sentent que ça pue, mais ça donne pas la même réaction au niveau de la conscience. Puis tout le monde est collé. C'est une vraie farce. Pour prendre un avion, là, en plus des pays, t'as pas de place. Je t'assure que ça se pousse pour rentrer, parce que quand il ne reste plus de place, tu vas te voyager chez elle. Je ferme la porte. Je t'embarque dans la morgue, comme dit. Ah oui, les autobus, les tapis traditionnels. Il y a 3 places sur un bord, 2 places sur l'autre. Alors, on en embarque 4 là, 3 là, puis 1 ou 2 au milieu sur des petits bancs de bois qu'on rajoute après. Mais comment qu'ils font? Ils se rendent pas compte que... Ils se rendent compte qu'on chiale, qu'on se plaint. Est-ce que t'es pas content d'être dans l'autobus? C'est ça qu'ils se rendent compte. C'est leur point de vue. Et ils ont raison. Après ça, le cochon, puis les poules, avec. Puis les enfants, en plus. Oui, mais c'est quoi? J'ai 3 poules. Il y a un chez le voisin, puis un autre là. Puis tout le monde ramasse les poules. Puis là, ça va, ça continue. Puis la poule, elle se promène. Puis c'est pas ta poule. Puis à la fin, la personne, elle passe, elle ramasse la poule, elle te l'autre. Elle dit pas merci. Mais non, mais Kim, il fallait bien que tu tiennes la poule. J'avais juste 2 mains. Ben, c'est bien correct. À part avec la poule, ça finit là. Puis tout, c'est ça, c'est bien simple. Puis c'est toujours comme ça. Le gars, il rentre par la fenêtre pour avoir attaché les bagages en haut. Peut-être qu'ils sont attachés. Tout est parfait. Puis quand le touriste va là, il tabarnouche que ça va mal. Tu vas dans un hôtel, il n'y a pas de papier de toilette dans la chambre de bain. Il sort dehors, il fait le journal, puis il revient. Non, c'est sûr. C'était ma chambre. Oui. Mais il va acheter le journal, il te le donne. Tu vas à la chambre de bain, tu mets la moitié du journal à terre. Pour te rendre jusqu'à la boule. Et puis là, ben, tirer la chaîne, tu dis... Ça fait ça marcher sur l'humanité. Ça fait longtemps, tu ouvres le bac pour au moins attirer la main, puis l'eau qui est dedans, elle est depuis 3 ans, tu sais. Elle est aussi noire que ce qu'elle est dedans. T'oses pas trop. Tu constipes. Et puis tu chiales. En plus. Constipé dans la psychologie. Mais non, non, il n'y a pas de problème. Ils ne peuvent pas bouger là-dessus, ils le feront en temps et lieu, etc. Donc, c'est la même chose pour énormément d'individus. Hey, à Noël, si c'est pas le temps où on doit s'entraider, puis s'aimer, puis ce que vous voudrez, je m'en vais acheter quelque chose, c'était pas un cadeau, je m'en vais acheter quelque chose aux Galeries d'Anjou, et je stationne toujours de reculons pour pouvoir m'en aller plus rapidement. Et puis, alors, je vois un stationnement, alors je me place, je viens pour reculer, puis j'ai failli rentrer dans le char du gars qui venait de rentrer. Ben oui, c'est ça, le gars, c'est bien correct, j'ai failli dégonfler ses 4 nœuds. J'ai pas pu, j'ai pas bâti pour ça. Mais c'est la même chose, il comprend pas, il y a ci, il y a ça, on peut en mettre plein, mais on perd-tu du temps et de l'énergie? J'ai stationné ailleurs, 1,5 mille. La porte la plus près. Oh, c'est con, je le sais que c'est con. C'est encore bien plus con que d'être pris d'une connerie puis de chialer. Doublement con. Alors, effectivement, dans ce temps-là, on fait des choses comme ça. Ben, levez-vous sur vos pieds pour descendre dessus. Ben, non, reculez, faites-vous de l'espace. Mais lui parler ou l'expliquer. Non, non. C'est la personne qui dit crime, voyez faire attention. Excusez-moi. Puis vous continuez de la même façon, si il continue de se rapprocher, vous êtes à son niveau. Et il va comprendre. Sans être frustré, il va faire de l'espace. Là, tu expliques que l'espace, de toute façon, c'est une illusion. Bon, ben, là, il va dire. Oh, mais non, c'est la même chose. Le temps aussi, ça fait une demi-heure que tu piles ses pieds, puis tu dis que l'espace puis le temps, c'est une farce. On récolte ce que l'on sème. Mensonge cosmique. Point d'interrogation. Bon, la semaine dernière, je crois, ou la semaine d'avant, on parlait du karma. Effectivement, on récolte pas ce que l'on sème. on récolte rien. J'ai de mes amis, s'ils seraient ici, ils diraient, ah bon, c'est comme le Québec et le Canada, là, tu sais, tu donnes beaucoup, tu ne sois pas, mais c'est... On récolte pas ce que l'on sème. Faites le bien toute votre vie, vous pouvez manger des problèmes toute votre vie. Faites le mal toute votre vie, vous pouvez avoir le luxe toute votre vie. On dit que les bons sont toujours ceux qui partent en premier. Tabarnouche, il y a des poliers, puis il y en a qui sont malades dans le lot, alors qu'il y en a qui sont dangereux, puis ça va bien. On ne récolte pas ce que l'on sème. On récolte du karma lorsque l'on sème du karma. Ça va de soi, il peut être blanc, il peut être noir, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de ce que vous faites. C'est évident que si vous faites le bien toute votre vie, dans 3 ou 4 réincarnations, les sociétés seront peut-être plus blanches, plus belles. Alors, de ce point de vue-là, vous allez récolter du mieux. Mais quelqu'un qui fait du bien dans sa vie présentement ici ne récoltera pas nécessairement des choses intéressantes. Comprenons une chose. Plus vous êtes esthétique, plus vous êtes aristocrate dans votre façon de vivre, dont vous privilégiez l'esthétisme dans votre façon de bouger, plus vous êtes évoluable, plus vous êtes écologique, capable de comprendre les conséquences. C'est sur l'écologie, c'est la science de la compréhension des conséquences. Plus vous êtes cela, plus vous êtes intéressant pour l'intelligence, pour votre esprit. Plus vous êtes intéressant pour votre esprit, plus celui-ci voudra s'arranger pour vous faire évoluer rapidement. Alors, ce ne sont pas nécessairement roses. Ou ce sera rose, très rose, avec les épines. Alors, on ne récolte pas ce que l'on sème, ce n'est pas vrai. On peut faire des pactes avec les dieux et avoir certaines choses, et bon, ben, ça va. On en a parlé un peu dans cette conférence Karma Blanc, Karma Noir. Alors, si vous voulez plus d'explications, ça sera un peu si vous pouvez vous y référer. Où on vous explique aussi comment on peut parvenir à un moment donné à accomplir les choses sans ramasser ni Karma Blanc, ni Karma Noir. Et là, on se dirige vers notre trou, où tout ce qui est parfait pour nous nous attend. Quand je parle parfait, ce n'est pas des misères. Où l'intelligence va structurer les choses. Mais sans karma blanc, sans karma noir, sinon de toute façon, on reste assujetti au karma des autres. Donc, on attend encore, veut pas, après l'évolution d'autrui. Si vous entrez en contact avec les entités de l'astral ou guides de lumière, ils vous diront, « Nous pensons qu'il serait mieux pour vous de ne plus juger, de vous purifier, de vous désassujettir de votre ego. » Parce que c'est ce que vous êtes prêt à entendre. Est-ce pour notre intérêt ou est-ce un mensonge cosmique? Un mensonge cosmique. Pourquoi? Parce que l'intention du guide de lumière ou des entités n'est pas, comme je dis bien, ça c'est parce que c'est ce que vous êtes prêt à entendre. Mais à un moment donné, on va vous dire, écoute, mais là, il faut vous purifier, c'est vrai. Mais là, ce que tu fais, c'est plus de la purification, là. C'est ça. On va vous permettre certaines choses jusqu'à la limite. Donc, ça va vous faire monter jusqu'au point où vous allez être utilisable par le guide ou l'entité. Après ça, vous voulez continuer au milieu. Et là, on va commencer à vous donner des raisons pourquoi c'est plus ça. Alors, c'est Yavik et satanique, ça fait partie du mensonge cosmique. Mais comme je dis, et comme vous devez penser, à un moment donné, c'est que si ça fait du sens, faites-le. Quand ça ne fait plus, faites-le plus. On n'a rien à savoir si ça vient d'intelligence ou de l'astral ou d'ici ou de ça. Ça a de l'allure, ça a de l'allure. Le feu est pris. Satan vient vous dire, sors! Ça m'écrit, mais hey, Satan, moi je l'écoute pas, moi je reste ici. Ben, si Satan veut vous brûler, quand vous dit de sortir. Ça a de l'allure, faites-le. Ça n'a pas d'allure, faites-le pas. Même si je me dis que je peux me tromper, trompez-vous. Comme on dit de temps en temps, j'ai fait ce que j'ai pu. Bon. Puis si c'est pas correct, ben, ils ont qu'à se démerder ailleurs, là. En haut, comme tu voudras, puis qu'ils fassent le pas, là. Tu sais, j'avais un choix à faire, mais je sais pas si je fais le bon choix. J'ai un choix à faire. J'ai pas l'énergie pour le choisir. J'ai pas d'informations pour savoir. Bon, tant pis. Choisis. Je prends ça. Fini là. C'était trompé. Je me suis pas trompé. Ils se sont tous trompés. J'étais mal. À un moment donné, vous allez avoir les outils. Puis il n'y aura plus de choix. Je vois souvent des étincelles. Des étincelles, oui. Je vois souvent des étincelles blanchâtres de très courte durée. Elles sont semblables à des éclairs de photos. Explique. Deux choses. Problème rétinien, problème cérébral, problème sanguin. Problème d'appareil de photo. Autre chose, perception de particules d'énergie vitale, ce qui se fait fréquemment quand les personnes travaillent un peu leur vision vitale, l'expansion du corps vital. Alors, effectivement, on peut se rendre compte, à un moment donné, qu'il y a énorme... L'énergie vitale, ça ressemble... Quand c'est extrêmement dense et plus présent, ça ressemble à de la neige qui tombe. Quand ce n'est pas suffisant, ça peut être comme de l'eau. Quand c'est encore moins suffisant, on a des petits flashs comme ça, des petits éclairs, des petites particules, des petits, bon, il y a des choses comme ça. Et ça dépend évidemment de celui qui voit. Alors donc, ça peut être des problèmes physiques, ça peut être simplement son corps vital qui perçoit de temps en temps des choses. Dernièrement, j'étais dans la forêt où on pratiquait la vision vitale. Puis il y avait un jeune justement qui c'est ce qu'il a. La première chose qu'il voyait surtout, c'était partout. Bon, ben, ça fait partie des phénomènes vitaux qu'on peut voir. Les pyramides ont-elles été complètement construites par des moines, par des mains terrestres? Des mains terrestres. Ben, les pyramides ont été construites. Elles ont été structurées par des mécaniques extraterrestres. Elles ont été construites par pas par des mains, mais par des champs terrestres. Et un peu par des mains terrestres. Elles ont été construites par énormément de choses. Elles ont été construites par ce qu'on appelle la puissance du dragon. Elles ont été construites par les êtres humains de l'époque. Elles ont été construites... Si on prend l'exemple, sur les pyramides, c'était écrit que certains chants musicaux faisaient en sorte que les pierres ne pesaient plus rien et volaient directement là où on voulait aller les porter. Et en bon chrétien, on ne croit pas à ça. Mais par contre, on peut penser aux trompettes de Jéricho. En bon chrétien, il faut à un moment donné qu'on se plante quelque part. Mais effectivement, le son peut faire plusieurs choses. L'énergie vitale, ça se trouve partout, donc entre les objets et le sol, comme entre les humains et les humains, les humains et les objets. Et ça a été bâti donc de plusieurs façons pour l'époque. Il y a plusieurs choses qui ont été construites comme ça dans ces temps-là, où ce n'est pas tout à fait comme on pense aujourd'hui. Comme on a les grandes statues de l'île de Pâques. À un moment donné, il y a des personnages scientifiques qui ont essayé de trouver comment les statues avaient pu être amenées jusqu'à leurs endroits où elles ont été plantées. Ils ont trouvé comment? Avec des pelures de banane. Fait que c'est la grosse statue là-dessus, jusqu'à l'endroit en question. Maintenant, comment on les lève? Ils ont cherché longtemps, longtemps, longtemps. Ils ont appliqué tout ce qu'on connaissait de la physique. Et ils ont fini par découvrir comment ils les avaient élevées. Il n'y a qu'une problématique. C'est que les imbéciles du temps... Ils n'avaient pas la physique pour comprendre. Ils n'avaient pas la même technique. Les pelures de banane, il y avait un seul hic. Il fallait les importer. Et eux en ont importé à cargo, à coup de cargo. Mais à l'époque, ils devaient être sèches en maudit quand ils arrivaient. Il y a toujours ça. On peut prendre les pyramides, on va dire, il y a des blocs qui pèsent des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et effectivement, mais si on fait ceci, puis on fait cela, puis etc., on prend tous nos meilleurs cerveaux, on les plante pendant des années, et là, ils ont solutionné le problème des. Tabarouette. Ils ont tout le vécu historique pour avoir une idée de comment solutionner, plus les ordinateurs, plus tout ce qu'ils peuvent maintenant s'imaginer. Retournent maintenant dans la conscience d'eux autres là-bas, où ils n'ont jamais pensé à rien, là. Ils n'ont rien historiquement pour leur dire que ça peut se bâtir même là. Et puis, c'est ça qu'ils ont fait. Sur l'île de Pâques même, est-ce qu'il y a des pierres assez grosses pour faire les statues? Ou ils les importaient aussi? Non, ils les prennent dans la montagne. Ils sculptaient la montagne. La montagne est assez grosse. Souvent, ce sont des pierres noires à caractère volcanique. Il y a d'autres statues qui ont été bâties différemment. Mais ça se trouve. Ça se sculpte. Ils le sculptaient carrément là-dedans. Et après, effectivement, il fallait qu'ils l'amènent jusqu'à l'endroit en question. Il fallait qu'ils le lèvent debout. Et un grand problème pendant longtemps, ça a été leur Christie de chapeau. Parce que c'est une immense, immense statue, puis il y a un chapeau, mais le chapeau, c'est un bloc de pierre à part. Ils l'ont mis là comment? Bien, évidemment, techniquement parlant, maintenant, on s'entend pour dire qu'ils mettaient du sable à la hauteur de la statue, très, très, très, très long. Après ça, ils montaient le chapeau jusqu'en haut. Après ça, ils ôtaient tout le sable. C'est vrai. Mais connaissons, allez dans les pays sous-développés, vous allez vous rendre compte que lorsque l'on bâtit quelque chose... Mais des années après, on voit les traces. Hein? Les traces biologiques, les traces de ce qu'ils ont mangé. Allez dans un marché d'un pays sous-développé, vous allez voir que vous marchez sur le reste du marché. C'est ce qui s'est pas vendu, on met sur la terre, on oublie. Alors, le sable, quand ils ont bâti, ils l'ont-tu ramené dans leur carrière? Parce qu'il n'y en a pas autour des statues. Ils ont passé le balai. Le père de Jean-Baptiste est-il devenu muet un peu avant la naissance de son fils? de Jean le Baptiste. L'homme qui restait avec la femme, il a été malade toute sa vie, il a eu de sérieux problèmes, mais probablement qu'effectivement, elle ne parlait plus. Aphone, muet peut-être pas, mais il a eu de grands problèmes. Avant que Jean le Baptiste... Comme d'ailleurs Joseph. Avant la naissance? À cause de la naissance provoquée par la... À cause de la naissance, à cause de l'incompréhension de plusieurs mécaniques, comme Joseph. Marie n'a jamais rien compris non plus au principe, mais la femme a beaucoup plus d'énergie vitale de base. Joseph est mort assez jeune, il est mort d'un accident, mais il manquait d'énergie vitale. Marie n'a pas compris non plus, parce que le Nazaréen, mais jusqu'à la fin, Marie, elle voulait voir son fils, puis il lui disait, écoute, ben, ma mère, elle disait, ils ont eu des problèmes, ces deux personnages-là, parce qu'ils n'ont jamais réussi à saisir l'idée. Il fallait être pur, être convenable. Imaginez, la Vierge qui a un enfant. Problématique. Est-ce par l'anégorisation que l'homme voit les mensonges? Est-ce que dans l'ego, tous les mensonges ou mémoires sont là? C'est-à-dire que c'est par la conscientisation, par la capacité de plus en plus progressive d'accepter le neuf, par la capacité de jaser, de parler, on peut dire de philosophiser sur les choses, en réalité de parler sans jamais retenir ce que l'on dit, sans mettre d'importance là-dedans. Cela crée de l'anégoïsation. L'anégoïsation engendre le contact plus puissant avec l'intelligence. L'intelligence nous permet de voir de plus en plus de mensonges. Bref, c'est une espèce de mécanique. Alors, il n'y a pas un des éléments qui engendre le... Tous les éléments s'engendrent eux-mêmes. Et l'astral et le mensonge sont ce qui mécaniquement nous permet un jour d'aller chercher de l'intelligence qui va nous dissocier du mensonge. L'astral, c'est l'échafaud qui nous bâtit. Et à un moment donné, on aura eu besoin de l'échafaud, puis à un moment donné, il faudra ôter l'échafaud, parce qu'il nuit à la beauté de l'édifice. Sans maudire l'échafaud. Alors là-dessus, je vous laisse. La semaine prochaine, je ne sais pas c'est quoi le sujet de la conférence. Tu le sais. C'est une bonne question. Bonne question. La période de questions est finie, je ne ferai pas le bon. Voilà, exactement. Ce sera une bonne conférence. Alors, amusez-vous.